Voici le nouveau Guillermo Guise. C'est pas vrai. Tellement 2022. L'homme qui se caresse. Ça va, les amis? Ça va ou quoi? Très bien. Et ça y est. Quoi? J'ai eu le Covid. Super. Mais non. Ah ouais. Bravo. C'est vrai. Comme tout le monde, vous allez me dire, à Paris, dans ce moment, il y a 9 personnes qui n'ont pas le Covid. On l'a eu avant toi, dont deux dans ce studio. Statistiquement, c'est obligé. Parmi vous, il n'y en a qu'un cube. Hein, je vous le dis franchement. Il y a une étude qui dit que le popper, c'est plus efficace que l'hydroxychloroquine. Donc, Leïla, elle est safe. En plus, elle est le coro des coros. Mais les autres, je dirais, Morgane, elle revient de vacances. Daniel, pour arrondir ses fins de mois, il est clown dans un hôpital. Et Nagui, il a fait le 31 décembre chez Patrick Sébastien, tu vois, pour sa fameuse soirée. Et si on disait que ton partenaire, c'était aussi le mien? C'est sûr que vous êtes rongé de l'intérieur. Mais moi, ça va. Moi, je suis immunisé. Je sais pas pour combien de temps, honnêtement. Il y a des études qui disent 6 mois et des études qui disent 6 secondes. On sait plus trop avec les rappels de vaccins. Il y a trop de combinaisons possibles. Genre là, j'ai eu 2 doses, 1 Covid. Il y a 2 doses, 1 Covid. Je crois que c'est mieux que. Une dose pas de Covid, mais moins bien que 3 doses cas contact. Bientôt, pour savoir où t'en es niveau immunité, il faudra demander à Cédric Villani. Genre, en mode, tu peux me faire une petite équation 730 inconnus et changer de nœud. Vraiment. C'est chaud, je crois qu'en l'état actuel, la science a plus de certitudes sur le Yeti. Vraiment. C'est pas la maladie la moins claire du monde, le Covid. Je veux dire, on critique beaucoup Ebola et tout. Mais bon, Ebola, jamais tu dis, ah ben moi je l'ai eu, mais alors asymptomatique. Vraiment. Et c'est fou parce que, en même temps, mon cousin, qui lui est Stiwa, vraiment, avec Ebola, tu peux pas AJ+2, tu t'auto-testes, AJ+4, tu fais un PCR si t'es blond vénitien, AJ+11. Le Covid, c'est un bail d'ingénieur, quoi, franchement. Et ceci dit, je suis pas mécontent de l'avoir eu finalement, parce qu'au début, j'étais trop fier de passer entre deux groupes. J'étais là, non, mais moi je fais hyper gaffe! Parce que je parle à 30 mètres des gens avec mon matériel apicole. Vous vous rappelez comment j'étais au début? J'ai quand même vécu 7 mois dans un thermomix. Hein. Vraiment, tu vois, nickel, j'ai appris à faire des potages. Aujourd'hui, tu me dis la clé, c'est la crème. Je te dis pas si vite. Vraiment, on parle potage, on parle velouté. Mais c'est vrai, j'étais tellement stressé. Il faut être. J'étais stressé au début de la pandémie, j'avais un soupçon, début de gorge qui gratte. Direct, j'étais au téléphone, quoi. Pas avec mon médecin, avec mon notaire. Vraiment, directement. Chez lui, il y a une étagère Billy avec 60 versions de mon testament. Deux fois, j'ai légué mon robot aspirateur à Zaz. Lui servir plus à elle, mais c'est vrai que sauf que voilà, au fil du temps, tous mes proches l'ont chopé. Le Covid, ils se parlaient entre eux. J'ai entendu, alors moi, pour récupérer l'odorat, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment les huiles essentielles de canard. Vraiment, c'était une confrérie, quoi. J'étais exclu du coup. Progressivement, j'ai commencé à avoir honte de jamais avoir eu le Covid, quoi. Tu vois, on me faisait, toi, tu l'as eu le Covid? J'étais là, ouais, carrément, en Asie. Au début, variant hyper rare, j'ai perdu Louis et mes clés. Vraiment, je ressentais ce que je ressentais à 18 ans, tu vois, quand littéralement tout le monde autour de moi avait déjà baisé, et que moi, pour avoir une sexualité, j'étais obligé d'aller sur Emul. Vous vous rappelez de Emul? Tu téléchargeais une vidéo porno, le temps que ça charge, ton sperme, c'était du placo. J'en ai isolé les salles de bain. C'est vrai que... Enfin bref... Quand j'ai vu que j'étais positif, j'étais soulagé, j'étais là, yeah, I'm in! Curieusement, j'étais pas inquiet du tout. Genre, j'ai été malade, mais la maladie que j'ai eue, franchement, tu me ferais un testing à l'aveugle en me disant dans la boîte A, c'est le Covid, dans la boîte B, c'est un rhume. Honnêtement, je peux pas te dire qui est qui, quoi. C'est vrai, j'ai fait le Covid doublement vacciné. C'est de la triche, quoi. C'est un peu comme tu vas à Koh-Lanta, mais t'emmènes tes dinosaures. Franchement, je sais que c'est un championnat du monde des analogies et que c'est là, peut-être, je passe pas les qualifs. Enfin, je comprends les non-vaccinés. Les non-vaccinés, ils se disent, moi, si je le chope, je veux la full expérience avec les poumons qui te font surprise. Et si on arrête de fonctionner, je déconne. Imagine quand même. C'est vrai que ça met un suspense en plus, quoi, sans le vaccin. Moi, je suis mi-vieux, mi-jeune, avec double dose, j'ai perdu l'odorat un jour et demi, quoi. Franchement, à ce propos, la nature est mal faite. Perdre l'odorat, ça devrait être un symptôme de la gastro, non? C'est plus utile, quoi. Je sais pas. Non, je sens plus rien. Yes! Mettez-moi une semaine en plus. C'est vrai, par contre, c'était mi-décembre. Je sais pas si j'ai eu le Delta ou l'Omicron. Me connaissant, c'est Delta. Moi, j'ai toujours les trucs quand la mode est passée, quoi. J'avais eu ça avec le Stan Smith. Vraiment, quand ça a commencé à être démodé, je me dis, j'achète 3 paires. C'est pareil, quoi. Enfin, bref, j'espère que ça a force de se répandre et d'être moins grave. Omicron, ça va finir par rendre le truc bénin, quoi. J'ai lu un article qui disait qu'une soirée avait contaminé 21 personnes sur 33 qui étaient triplement vaccinées aux îles Féroé, quoi. Vous savez, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, qu'il n'y a pas grand monde aux îles Féroé. Parce qu'une soirée à 33, ça s'appelle. Et si on disait que ton partenaire, c'était aussi le mien, hein, Nagui? Merci, Guillermo. Guillermo, non, au théâtre, pas de date. Au théâtre de la Renaissance. Renaissance, absolument. Renaissance. Ah oui, théâtre de la Renaissance. Non, je ne savais pas, il me l'a pas dit. 21h, ça commence demain? De mercredi à samedi. C'est complet. Bon, on ira quand même. On ne sait jamais. Oui, on ira à ce moment-là. Oui, copains des soirées.